Alors, nous sommes dans un de nos partages d'écoute. C'est donc un moment où les invités du festival présentent des musiques qui les habitent ou qui les ont accompagnées et qui les ont faites et faites telles qu'elles sont. En l'occurrence, c'est un petit peu différent avec Anna Maria Romano-Dje, qui est une artiste, compositrice elle-même, qui vient de Bogota, mais qui est aussi une chercheuse, une curatrice. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ça serait intéressant que ce soit une écoute plutôt thématique sur, voilà, sur ce qu'il, son champ d'activité, en fait. Donc, c'est peut-être moins une écoute personnelle, cette fois, mais plus une écoute liée à la création en Amérique latine. Donc, on va entendre que des femmes compositrices électroacoustiques d'Amérique latine. I hope I say right. She said woman composer, yes. Electroacoustic in Latin America. Latin America, yes. Yes. Eh bien, merci et bonne écoute. J'ai oublié de dire, pardon, Olga Kokcharova l'accompagne, comme toujours, hein, la Meg nous a développé ce magnifique acousmonium. Pour les écoutes, de partage écoute, on ne fait pas normalement trop de spatialisation, mais peut-être qu'aujourd'hui un petit peu. Sinon, Olga s'est proposée, c'est merveilleux, elle va traduire les commentaires que va nous faire Anna Maria Romano-Dje. Ça va nous aider. Ça, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Oui, mais la réponse en signe. Est-ce que quelqu'un ne parle pas anglais? Ok, on peut le faire en... Ah! Oh, maybe Daniel Tia can translate from Spanish to French. Yes? Oui, ça peut être comme ça I aussi. I feel better if I can speak in Spanish, obviously. Ah, alors super, donc ça va être Anna Maria va parler en espagnol et Daniel Zea, ici présent, va traduire pour nous. Merveilleux. Maybe he needs the mic for the radio? No, yes, absolutely, very good remark. Alors, maybe it's good if... Alors moi j'éteins le micro pour l'instant, et alors bonne écoute. Hola, buenas tardes. Como siempre, as always, I want to thank Archipel for this beautiful invitation. And I want to thank the surprise visiting of Daniel Zea because I'm he's going to work for me right now, sorry. voy a hablar de compositoras latinoamericanas que han trabajado los medios electrónicos. No voy a mostrar todas las que hay porque es imposible, es como abordar cualquier grupo de compositoras o de compositores. Donc je veux vous montrer des pièces de femmes qui travaillent avec des moyens électroniques. Je ne pourrais pas parler de toutes parce qu'elles sont nombreuses, mais j'ai fait une sélection de ce que je considère c'est le plus pertinent parmi ces groupes de femmes, donc latino-américaines. Mi punto de partida son compositoras que desde Latinoamérica o habiendo nacido en América Latina y que migraron a otros países, hicieron presencia en la música electroacústica desde el principio. Donc mon point de départ c'est des femmes qui sont nées en Amérique latine et qui depuis l'Amérique latine ou bien car elles ont émigré dans d'autres endroits on était important et on était toujours présente. Porque muchas veces en las narraciones oficiales de la música electroacústica se omiten los nombres de las mujeres latinoamericanas y de otros lugares del mundo, pero digamos que la visibilización de las latinoamericanas me corresponde a mí como latinoamericana. Donc, souvent dans les narratives autour de la musique électroacoustique, on oublie les femmes, on oublie les femmes latino-américaines, mais souvent les femmes. Et c'est mon devoir en tant que compositrice latino-américaine de visibiliser le travail de cette femme. Quiero empezar con una obra de Beatriz Ferreira. Donc je vais commencer avec une pièce de Beatriz Ferreira. Ella es argentina, nació en 1937. Argentina, 1937. Y más o menos desde 1963 ha vivido en Francia. Puis y trabajado. Elle est établie en France plus ou moins à partir de 1963. 63. Non, 63. Sí. muchas veces, al principio cuando se hablaba de Beatriz Ferreira, lo que se mencionaba de ella era que había trabajado en el laboratorio de Pierre Schaeffer, que había sido asistente de. Y lo que nos interesa en este momento es desvincularla de eso, porque pues él, como Stockhausen o como cualquier otro, han tenido millones de asistentes en algún momento, y lamentablemente con las mujeres como que se mantiene se mantiene ese vínculo como jerárquico inferior, y como que ella se reconoce por haber trabajado con él, cosa que yo estoy completamente en desacuerdo. Donc on a connu dès le début Beatriz Ferreira car elle a été assistante de Pierre Schaeffer. Mais ça m'intéresse de lui donner une visibilité à elle-même, parce que souvent, avec les femmes, elles restent toujours à l'ombre à qui ils sont assistés. Et puis des compositeurs comme Stockhausen ou comme Pierre Schaeffer, ils ont eu de nombreux assistants. Et puis pour moi, c'est important d'essayer de casser ces liens et puis de lui donner son importance à elle. Algo muy parecido le ocurrió a Eliane Radig con Pierre Henry. Ella durante mucho tiempo fue presentada como la asistente de Pierre Henry. Quelque chose de semblable est arrivé à Eliane Radig, qui était toujours un peu présentée comme l'assistante de Pierre Henry. Y que tiene algo muy curioso esa historia de Eliane Radig, porque ella migra de Francia a Nueva York, y cuando regresa a Francia, a Pierre Henry no le gusta la música que ella hace, entonces le pide que no la vincule con él porque sería como una deshonra. Y para mí resulta más bien una gran honra. Y hay una historia que Eliane Radig, étant assistant de Pierre Henry, elle émigré a New York. Et lorsqu'elle a retourné, Pierre Henry n'a pas trop aimé la musique qu'elle était en train d'écrire. Et puis, lui, il lui a gentiment demandé de ne pas trop mentionner qu'elle était son assistante, parce que c'était un peu déshonre. Oui, une sorte de déshonneur. Et puis, Anna Maria pense que c'est au contraire, que c'est un grand honneur. Volviendo a Beatriz Ferreira, entonces quiero que empecemos la escucha con una obra que compuso en el GRM en 1967. Can you help me with the title? The title is in French. Il s'appelle Demeure aquatique. Donc c'est la pièce qu'elle a écrite en 1967 au GRM. traduire en espagnol, peut-être demeure aquatique. Sí, como el hogar acuático, no como el lugar acuático. Ok. Sí, la casa. Gracias. Bueno, ahí va. Thank you. Esta obra fue compuesta en 1967. Y bueno, quise empezar con ella porque Beatriz Ferreira es una gran referente para nosotras, las compositoras latinoamericanas. Como que siempre que empezamos a indagar, el primer nombre que aparece es el de ella. Donc c'est une pièce de 76. Je voulais commencer par elle parce que c'est un grand référent pour toutes les femmes compositrices électroacoustiques latino-américaines. Et lorsqu'on se met à rechercher des noms, c'est le premier que l'on trouve, Beatriz Ferreira. Creo que su experiencia viviendo en Francia, de todas maneras, ha favorecido la divulgación de sus obras en ciertos circuitos. Je crois que le fait d'être établi en France a facilité un petit peu la divulgación, un peu dit, circulación, la diffusion de son nom parmi certains circuits. Le fait d'être en France a favorisé ça. Voy a entrar en un grupo de compositoras que quizás no son tan conocidas como Ferreira y que han trabajado desde diferentes lugares y bueno, que digamos que se han empezado a mencionar sus nombres más recientemente, pero tienen de interesante para mí que justamente esta historia es una historia, o sea, la historia de las compositoras latinoamericanas es una historia que, si bien lleva mucho tiempo, apenas hace unos entre 10 y 15 años se está empezando a contar seriamente. Entonces, yo voy a continuar con un grupo de otras compositrices que son, certes, moins connues. Pour moi, c'est important parce que si bien l'histoire de compositrices électroacoustiques latino-américaines, c'est une longue histoire, cela fait seulement 10 à 15 ans qu'on commence à raconter cette histoire. Vamos a continuar con una obra de Ileana Pérez Vázquez. Donc on continue avec une pièce de Ileana Pérez Vázquez. Ella es cubana. Cubaine. Vive en Estados Unidos. Établie aux États-Unis. Es que estoy buscando su fecha de nacimiento, perdón. Je cherche la date de naissance. Nació en 1964. 1964. La obra que vamos a escuchar es de 1994. Une pièce de 1994. Se llama Celia. Celia. Celia. Tiene un vínculo directo con Celia Cruz. A Celia. Celia. Donc, elle s'appelle Celia. Et il y a un lien direct avec Celia Cruz. Porque para Ileana Pérez, haber dejado la isla de Cuba, digamos que le ha generado como un interés permanente por traerla, o sea, llevar a Cuba a su música. Como poner a Cuba en su música, más bien. Donc, le fait. Et c'est important pour elle, puisque pour Ileana Pérez, le fait d'avoir quitté Cuba, ça a produit un intérêt constant de ramener Cuba dans sa musique. Entonces, todo, digamos que el material de esta obra sale de un grito que hace Celia Cruz en una canción de la palabra soy, o sea, S-O-I, soy, I am. Donc, tout le matériel de cette pièce part d'un cri d'une chanson de Celia Cruz, que c'est le cri Soy, qui veut dire je suis. La siguiente pieza es de Oxana Linde. Ella es de Venezuela, nacida en 1948. Al igual que Ileana Pérez, se interesa por poner en su música algunos aspectos como de lo rítmico de las músicas como caribeñas que atraviesan estos territorios. La prochaine pièce es Oxana Linde. Oxana. Oxana Linde, vénézuélienne, née en 1948. Et tout comme Ileana, elle s'intéresse à incorporer des éléments de la musique des Caraïbes, de la musique un peu tropicale dans sa musique. Vamos a pasar a como otro aspecto de la música y es que Oxana Linde, ella es científica también, ella es química y en los años 80 se encontró con los sintetizadores portátiles modulares y empezó a trabajar con ellos. Lamentablemente por una experiencia, digamos que laboral, con químicos y con estas sustancias, ella se enfermó y bueno, tuvo que dejar muchas cosas de lado. Entonces, mucha de su música se produjo hasta los años 80, pero solamente hasta el 2022 fue publicada. Donc, on va aborder un autre aspect de la musique, car Oksana Linde, elle est aussi une chimiste. Et puis, elle a malheureusement, elle est tombée malade à cause du contact avec toutes les substances. Et sa musique s'était un peu arrêtée aux années 80. Et au moment où elle a aussi un peu découvert tous les synthés modulaires, portables, modulaires. Et sa musique n'a été qu'un peu redécouverte à partir de 2022. Entonces se llama Playa Caribe y es del universo de los sintetizadores, ya no de la creación para cinta, ¿no? Que hemos oído hasta ahora. Donc la pièce s'appelle Plage Caribéenne et donc ce n'est plus de la musique produite avec la manipulation d'enregistrement ou de bande, mais c'est déjà dans l'univers des synthétiseurs. Bueno, quiero continuar con Vania Dantas Leite, del Brasil. Ella nació en 1945 y falleció en 2018. Je veux continuer avec Vania Lantas. Dantas. Dantas. Dantas, como la Vania Dantas, Dantas brésilienne, née en 1948. Y murió, no, perdón, 45 y murió en el 18, en el 2018. Donc elle est née en 1945, elle est morte en 2018. Era pianista, compositora y en los años 80s tuvo una iniciativa muy bella, porque en América Latina los primeros estudios fueron en Brasil y en Chile en la década de los 50s, en Chile en universidades y en Brasil de manera privada. Donc inicialmente. Elle a eu une belle initiative le long des années 80, parce que les premiers studios électroacoustiques en Amérique latine était au Brésil et au Chili dans les années 50, et puis c'était principalement lié aux universités. Y entonces en los 80s con un grupo de compositores y compositoras creó algo que llamaron la cooperativa. Donc avec un groupe de compositeurs et compositrices, elle a créé quelque chose qu'on baptisait comme la coopérative. Y le pusieron así porque cada quien aportaba algún equipo. Et donc ça s'appelle comme ça parce que chacun apportait un peu du matériel, de son propre matériel pour le mettre à disposition de la communauté. Entonces, lograron montar un estudio para que todo el mundo, pues para que un grupo de compositoras y compositores pudiera trabajar cómodamente. Donc entre tous et toutes, ils ont réussi à créer un grand studio qui était au service de toute la communauté. Y esta obra que vamos a escuchar se llama Distances, como distancias, pero Distances. Donc la pièce qu'on va écouter s'appelle Distance. Je ne sais pas si les jeux de mots en français marchent. Mais. Y tiene desde el punto de vista compositivo algo interesante también, y es que parte de elementos visuales, es decir, a partir de unos gráficos, ella decide hacer como una imagen sonora o imágenes sonoras. Es interesante porque su punto de départ es des images, es des graphismes. Elle essaye de a partir de ces graphismes, en construire une image sonore. Thank you.

obra con la que quiero cerrar es de una compositora colombiana que escuchamos anoche, pero esta es otra obra. Se llama Jacqueline Nova. Ella nació en 1935 y falleció en 1975. Pour finir, j'aimerais bien vous faire écouter une compositrice colombienne, Jacqueline Nova, née en 1935 et morte en 75. Anoche yo decía que ella fue una de las personas que desarrolló el trabajo con medios electrónicos en Colombia. Sin embargo, el uso de los medios electrónicos de ella fue sobre todo en obras mixtas, más que para cinta sola. Donc, je disais hier soir, car on a écouté hier soir une autre de ses pièces, qu'elle était une des premières à exploiter les moyens électroacoustiques en Colombie, mais son travail était principalement dévoué à des pièces mixtes, pas que électroacoustique, mais mixte, électroacoustique avec instrument. Entonces, la obra se llama Homayo a Catullus. Donc, la pièce s'appelle Hommage à Catullus. Homayo a Catullus. Fue compuesta en 1972 y revisada en 1974 para el estreno. Donc, composé en 72 et révisé en 74 pour la première. Es para piano, percusión, armonio, voces habladas, que esta parte de voces habladas es importante porque no es un coro, sino que justamente quien lo estrenó fue un grupo de teatro y medios electrónicos. Donc c'est une pièce pour piano, armonio, percusión et une partie de voix parlées. Et c'est important de préciser que la voix parlée était écrite pas pour un chœur, mais pour une troupe de théâtre et des moyens électroniques aussi. Jacqueline Nova hizo parte de la generación que estudió en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, es en Buenos Aires, Argentina. Eso es muy importante porque fue un lugar de encuentro para estudios de música electroacústica en América Latina muy importante. Donc, c'est important de mencionar que Jacqueline Nova fait partie d'une génération de compositeurs qui sont rencontrés au Centre d'études latino-américaines de musique électroacoustique à Buenos Aires. Et c'était important parce que ça a généré une sorte de mouvement autour de tous ces compositeurs qui ont gravité. Fue un centro de encuentro de compositoras y compositores de América Latina. Oui, c'était vraiment un point de rencontre des compositrices et des compositeurs latino-américains. Bueno, para cerrar, solamente quiero decir que las compositoras en general y las latinoamericanas en particular hemos hecho presencia en la historia de la música electrónica desde el principio. Donc pour finir, je voudrais mentionner que les compositrices en général et en particulier les latino-américaines ont été partie de l'histoire de la musique électroacoustique depuis le début. Obviamente para escucharla, pues esta es una invitación para que indaguen y escuchen la música, pero quiero cerrar simplemente nombrándolas porque pues no alcanzamos a escuchar toda la música de ellas, pero me parece importante nombrarlas y donc c'est une invitation pour que vous commencez à vous renseigner et je voudrais finir car on n'avait pas le temps de toutes les présenter. J'aimerais bien juste les nommer pour que vous soyez au courant. C'est une liste. Donc, c'est Isabel Aretz, Susana Barón, Lenny Alexander, Nelly Moreto, Hilda Dianda, Alicia Urreta, Alida Vázquez, Regina Benavente, Iris Sangüesa, Jacqueline Nova, Alicia Tercián, Josie de Oliveira, Marlene Vigliari Fernández, Beatriz Ferreira, René Pietrafesa, María Teresa Luengo, Graciela Castillo, Beatriz Lockhart, Estela Perales, Elsa Justel, Vania Dantas, Susana Antón, Odalín de la Martínez, Vera Terra, Beatriz Bilbao, Denise García, Hilda Paredes, María Eugenia Luc, Adina Izarra, Cecilia Candia, Claudia Tamayo, Miriam Belfer, Alejandra Hernández, Catalina Peralta, Silvia Suárez, Gabriela Ortiz, Patricia Sacabino, Ileana Pérez, Andrea Pensado, Diana María Restrepo, Beatriz Eugenia Díaz, Teresa Núñez, Alejandra Odgers, Claudia Robles, Paola Lazo, Kaila María Orozco, Renata Román, Alba Fernanda Triana, Teresa Burga, Marieta Beulens, Janet El Jauli, Lilian Zaremba, Oxana Linde, Ivonne Caicedo, Susana Espinosa, Silvia Goldberg, Silvia Goldberg. Son todas estas compositoras nacidas hasta 1969. Esa es mi fecha de corte en mi investigación. Entonces, en mi recherche, ça c'est toutes les compositrices qui ont nées avant, qui ont été nées avant 1969, qui est ma date de coupe pour ma recherche. Donc, c'est vraiment les pionniers. Muchas gracias. Merci beaucoup.